Bien, bonjour. Vous m'entendez là? C'est bon, très bien, parce que moi j'ai du retour. Donc merci de votre invitation à parler des travaux que nous avons faits depuis plusieurs années, des travaux qui portent pour un certain nombre d'entre eux sur le néolibéralisme. C'est-à-dire en fait l'idée, le fil directeur un peu de notre travail, c'est de considérer que le néolibéralisme doit être pris au sérieux, ne doit pas être considéré simplement comme une idéologie qui pourrait disparaître un jour sous l'effet, par exemple, d'une crise, sous l'effet de l'apparition d'une vérité scientifique, ou qui serait simplement une politique économique. Les travaux que nous avons menés donc portent sur le néolibéralisme comme logique normative générale. Une logique normative qui touche non seulement l'économie, la sphère capitaliste privée. Donc on peut dire qu'il y a en effet un nouveau capitalisme néolibéral, mais se contenter de dire ça, comme le font un certain nombre de gens, est une conception beaucoup trop limitée. Le néolibéralisme, c'est une logique normative qui touche toute la société et qui s'applique à l'État lui-même. Je crois, un des apports, si on peut dire, de notre boulot, ça a été de montrer que l'État n'était pas simplement submergé, entouré, encerclé par le marché, mais que l'État s'ordonnait en fait lui-même à une logique qui était une logique de marché, c'est-à-dire une logique de concurrence. Et donc voilà en gros le type de travail qu'on a fait depuis des années. On a fait un bouquin qui s'appelle justement La nouvelle raison du monde, qui est paru juste au moment de la crise, et on en a commis un autre qui est sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle Ce cauchemar qui n'en finit pas. Bon, ce cauchemar qui n'en finit pas, c'est, je crois, ce que nous avons à peu près tous en tête, et la question que nous posons avec les autres, avec tout le monde, avec tous ceux en tout cas qui trouvent que la situation est intolérable, c'est de savoir comment en sortir. Et donc, il y a tout un autre volet de notre travail qui porte sur le commun, sur le principe politique du commun. Et là aussi, nous avons déployé enfin toute une série d'analyses qui sont parues il y a quelques années. Et pour terminer ma courte présentation avant de passer à Pierre, je dois dire que ce qui importe pour nous, et le fil, l'axe en fait de sortie du cauchemar, c'est ce que nous appelons l'expérimentation du commun. Et ce bouquin, Le cauchemar, qui est sorti juste avant Nuit debout, ou en tout cas, il n'est pas sorti juste avant, il a été remis à l'éditeur juste avant, mais la conclusion est peut-être lue d'une certaine façon comme un appel à ce que en France, on s'engage dans ce qui a été fait ailleurs, en Espagne, en Italie, etc., c'est-à-dire dans une expérimentation à grande échelle, précisément de ce que nous appelons le commun. Alors très rapidement, pour prolonger un peu ce qu'a dit Christian, il a parlé de logique normative au début, ça demande un petit peu à être expliqué, parce que ce sont des expressions qui sont un petit peu, comment dirais-je, qui sonnent en tout cas à première vue comme des expressions abstraites. Et donc, j'y reviens juste pour dire à quel point ça peut permettre de comprendre un certain nombre de choses. Vous avez aujourd'hui une logique en effet normative, c'est-à-dire une logique de concurrence qui est mondiale, qui n'est pas simplement nationale, qui n'est pas simplement européenne, qui est vraiment mondiale et qui est complètement indépendante des idéologies. Je prends un exemple qu'on prend tout à fait au début du livre. On cite un propos de Erdogan, quelqu'un que vous connaissez certainement de nom, le président turc, qui dit: j'aimerais qu'on dirige ce pays comme une entreprise. Il prononce ça en 2015. L'idéologie qui est la sienne est une idéologie qu'on qualifie généralement d'islamo-conservatrice, et c'est une idéologie qui est très différente, par exemple, de celle de Valls sur le plan de l'idéologie. C'est une idéologie qui est très différente de celle de Macron, mais il n'en reste pas moins que la rationalité, la raison, comme dit Foucault, la raison politique est exactement la même. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que justement cette logique de l'entreprise, qui est une logique de la concurrence, c'est une logique qui est mise en œuvre par des gouvernements et par des États qui s'alimentent à des idéologies extrêmement différentes. Donc vous pouvez parfaitement imaginer un marché comme ça des identités culturelles, avec des gens qui brandissent dans cette espèce de concurrence sur le marché des identités culturelles des grandes différences, des grandes divergences, des grands affrontements, et qui néanmoins, sur le plan de leur politique pratique, sont tous alignés exactement sur la même raison politique. C'est pourquoi nous disons, nous empruntons ce terme de raison à Foucault, qui a parlé de raison politique, qui a le premier parlé de rationalité ou de raison politique, ou de raison gouvernementale, et nous disons justement que aujourd'hui, on a une raison gouvernementale, une raison politique qui est unique. On n'a pas un système du parti unique, puisqu'il y a plusieurs partis, mais on a une raison politique unique, c'est-à-dire que la gauche et la droite sont ordonnées exactement à la même logique gouvernementale et à la même logique politique. Et pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'on veut dire par là, prenez la loi El Khomri. On a beaucoup insisté sur le renversement de la hiérarchie des normes, et les syndicats, d'un certain point de vue, font leur travail en insistant sur le fait que cette loi prolonge ce qui avait été entrepris par Fillon en 2008, en aggravant ce qui avait déjà été amorcé par Fillon en 2008. Mais il faut aller au-delà. Il faut comprendre qu'on a affaire à une loi qui touche à la vie de centaines de milliers d'individus, que c'est une entreprise de disciplinarisation de la vie des individus. Et il suffit, pour le comprendre, de considérer le rapport, vous savez, un rapport qui est le rapport Lyon-Caen, le rapport Lyon-Caen-Badinter. Tout le monde en a fait grand cas en disant c'est un rapport qui est très important, qui est assez neutre, etc. Et puis ensuite le gouvernement fait ce qu'il veut. C'est totalement faux. Le rapport Lyon-Caen-Badinter, sous les allures d'une certaine neutralité, pose en fait les bases de ce qui va être la loi El Khomri. Et je le cite en particulier un passage qui est très important. Il y est question justement du droit des personnes. Alors on peut se dire au début, tiens, ah, au moins il y a une référence au fait que sur le lieu de travail, le droit doit prévaloir. Mais quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que les droits de la personne devront être respectés, sauf dans certaines situations où des limitations pourront leur être apportées en fonction des besoins des entreprises. Voilà, ça c'est extraordinaire. Parce que vous avez, entre guillemets, toute la philosophie du projet de loi qui est donnée par ce rapport Lyon-Caen. Et derrière, quand vous creusez, vous vous apercevez que ce qui est en question, c'est le contrôle exercé sur la vie des individus. Parce que rendez-vous compte de ce que ça signifie. On vous dit le droit de la personne. Par exemple, le droit de la personne à contrôler sa propre vie, à vivre comme elle l'entend en dehors des heures de travail. Mais à partir du moment où on vous dit, mais c'est les besoins des entreprises qui vont être la norme à partir de laquelle on va décider de la limitation des droits de la personne sur le lieu de travail, ça veut dire que la porte est ouverte à toute une série de choses dont on ne peut pas imaginer. Aujourd'hui, on est en train de comprendre la remise en cause d'un certain nombre d'acquis sociaux fondamentaux, notamment sur le droit du travail, mais il faut considérer que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et ça, c'est précisément ce que nous appelons la raison politique néolibérale. C'est pas du tout, comment dirais-je, ça ne concerne pas uniquement les affaires d'un gouvernement dans ses relations avec une population donnée. Ça va beaucoup plus loin. Ça signifie qu'on va dénier à la personne le droit d'avoir un contrôle sur le cours de sa propre vie. On va obliger les gens, finalement, c'est ça la discipline, on va les obliger à rythmer leur vie en fonction des besoins des entreprises. Voilà, ça va donc bien au-delà, et c'est ce que nous appelons la raison politique néolibérale, en reprenant donc cette expression de Foucault. Mais je voudrais que c'est vraiment essentiel. En fait, si vous écoutez un petit peu Hollande, il se pose, il dit « moi je voudrais être le Schröder français ». Ça fait référence aux lois Hartz IV qui ont été promulguées en Allemagne sous Schröder à la fin des années 1990-2000, plutôt début des années 2000. Et ce sont précisément des lois qui vont exactement dans le même sens. Les lois de Renzi en Italie, ça va exactement dans le même sens. Donc il faut que vous compreniez que c'est une rationalité qui est mondiale. Alors ça rassure pas de savoir que c'est une rationalité qui n'est pas uniquement nationale mais mondiale, mais il faut être lucide. Pour savoir à quel ennemi on a affaire, il faut être lucide, regarder les choses en face et voir comment le système fonctionne. Voilà, c'est un peu la présentation que je voulais faire. Oui, pour prolonger et dire quelques mots sur l'histoire en fait du néolibéralisme, je crois qu'il importe quand même de bien comprendre que ce n'est pas une affaire qui date d'il y a quelques semaines, de quelques mois et même de quelques années. Cette affaire remonte à très loin, c'est-à-dire à la phase des années 30, lorsqu'un groupe de gens, d'intellectuels, décide au fond de tirer les leçons de la crise de 29 et décide dans les années 30, de refonder le libéralisme sur de nouvelles bases. Ils ne sont pas tous d'accord, mais ils se réunissent, ils créent un réseau international qui donnera après la guerre donc la fameuse Société du Mont Pèlerin, fondée par quelqu'un d'important qui s'appelle Hayek, que malheureusement on ne lit pas assez ou qu'on ne connaît pas assez en France, mais qui est un auteur extrêmement important. En réalité, les choses se sont cristallisées à Paris, dans un colloque de 1938, le colloque Walter Lippmann, qu'un certain nombre de gens, dont Foucault, ont montré en quelque sorte l'importance historique. C'est une phase, disons, d'élaboration qui commence, d'élaboration d'un nouveau libéralisme qui, en fait, permettrait de revenir sur le dogme du laisser-faire complet. C'est un libéralisme, en fait, très interventionniste, à certains égards, qui essaye de penser le marché non pas comme une nature, à la manière du libéralisme du XVIIIe siècle, mais comme une construction juridico-politique. Que ce soit les Allemands, les ordo-libéraux allemands, ou que ce soit les austro-américains, de façon très différente d'ailleurs, la question c'est de savoir comment créer un marché, construire un marché, entretenir un marché, le corriger, etc. Et ça va donner lieu donc à finalement des choses extrêmement importantes, comme la fondation de la RFA, dans laquelle les ordo-libéraux ont joué un grand rôle, mais ça va surtout donner, pour ce qui nous concerne assez directement, ça va donner lieu à la construction européenne. La construction européenne, c'est ce qu'on montre dans nos bouquins, est en fait appuyée sur une rationalité ordo-libérale qu'il faut connaître. Ça ne veut dire Bruxelles, c'est une méchante bureaucratie, etc., etc. Ça ne sert à rien, c'est vrai par ailleurs, et nous savons aussi bien que vous. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre d'où ça vient, cette affaire. Et donc ça vient finalement d'une espèce de rationalité qui s'est mise en place, hein, comme le disait Pierre, qui laisse la place à des interventions étatiques et à la mise en place d'un cadre juridique. Ce qui fait que c'est totalement faux, nous le disons, répétons sans cesse, il est complètement faux d'identifier le néolibéralisme à une sorte d'ultralibéralisme sauvage, sans règles, etc. En réalité, nous avons affaire au contraire à un corset de règles, à un système très contraignant qui, on le voit, s'applique partout et d'abord s'applique à l'État lui-même. Donc c'était un peu la phase d'élaboration qui a donné lieu à des constructions de très grande importance. Et ensuite, ce qu'on avait montré dans La Nouvelle Raison du Monde en 2009, c'est que cette élaboration théorique avait débouché sur la logique normative dont nous parlions, c'est-à-dire finalement sur ce qui sous-tend des politiques néolibérales dans tous les secteurs de la société. Que ce soit la santé, la justice, que ce soit l'éducation, partout on a affaire au même type de logique. Hein. Et donc, ce moment-là, ce moment d'expérimentation, si je puis dire, a duré 20 ans, nous sommes sortis de cette phase-là pour entrer dans un nouveau moment historique, et c'est l'objet du dernier bouquin, une phase où le néolibéralisme est devenu systémique. C'est-à-dire qu'en réalité, plus besoin d'adhérer au néolibéralisme, plus besoin d'y croire du tout. D'une certaine façon, quel que soit les gouvernements, ils sont prisonniers finalement d'un système de contraintes qui s'est mis en place, un système de contraintes institutionnelles, juridico-économico-politiques, et on l'a parfaitement vu avec Syriza. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'un gouvernement qui est élu fin janvier 2015 sur un programme anti-austéritaire, qui 6 mois plus tard, sous l'effet des chantages, des contraintes, de la menace de la crise bancaire, etc., est obligé de renverser complètement sa ligne politique et de mettre en œuvre la politique de la Troïka. On consacre un chapitre à la Grèce parce que ça nous semble parfaitement exemplaire du caractère devenu systémique du système néolibéral, c'est-à-dire des effets de système qui empêchent en réalité toute exploitation d'une quelconque marge de manœuvre. Et ceci donc conduit à penser qu'il ne suffit pas de dire que Hollande a trahi. Il ne suffit pas de dire que la social-démocratie dans son ensemble a tourné sa veste. Ce qui est vrai, bien entendu. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est la veste était déjà retournée. On ne le savait pas, mais elle était déjà bien retournée. Non, en fait, ce qui importe vraiment pour nous stratégiquement, c'est de comprendre qu'on a affaire à un système et qu'on ne pourra pas éviter l'affrontement, la confrontation politique avec le système. C'est-à-dire qu'on ne peut plus désormais espérer, dans le cadre d'un système complètement verrouillé par les oligarchies, changer l'orientation des politiques. Voilà le message central. D'où l'importance, effectivement, de ce qu'on appelle les expérimentations du commun, que ce soit des expérimentations locales, sectorielles, etc., ou que ce soit des grands mouvements de masse qui expérimentent autre chose, c'est-à-dire d'autres formes de politique. Voilà, en gros, la façon dont nous avons compris, disons, la situation, le moment où nous sommes et les nécessités de la période. Ok, donc on va passer aux questions, remarques. Oui. Bonjour. Bah, je suppose bien que personne ici n'a la réponse, mais je la pose parce que c'est ce qui nous angoisse tous. Mais comment on va pouvoir renverser tout ça? Parce que l'analyse que vous faites, même sans être allé lire votre livre, intuitivement, on le savait, quoi. Enfin, je crois, quoi. Bon, vous allez donner des dates, des noms, etc. Mais grosso modo, à supposer que nous tous, on aille, par exemple, à la préfecture, à la mairie, bon, une fois qu'on a trompé le type en lui disant, bon, ben, tu signes maintenant l'ouverture des frontières, tatati, tatata, mais le gars, il peut toujours signer. Si la police, enfin, si l'armée ne légitime pas sa signature, on est comme des cons, quoi. Alors, comment, enfin, je sais bien que c'est pas ici que ça va se résoudre, mais, nom de Dieu, enfin, la grande question des questions, ce n'est plus tellement d'affûter nos intelligences en dire voilà comment ça s'est passé. Le constat, à la limite, peu ou prou, on le sent, quoi. Maintenant, comment on met les choses, à la fois pour que ce soit horizontal, et à la fois pour que ce soit efficace, c'est quoi? Ben voilà, c'est ma question. Ma question est un peu technique, mais elle est directement en lien avec la question précédente. C'est comment est-ce que vous articulez les expérimentations du commun avec le renversement de la structure et de l'oligarchie dont on a bien besoin d'identifier, justement, parce que c'est ça qui est un peu compliqué. Et donc, je vous remercie vraiment pour votre travail. Et donc, comment est-ce que vous voyez l'articulation entre les expérimentations du commun et le fait qu'on puisse avoir un objectif de destruction de ces oligarchies, qui on identifie, à qui on coupe la tête, en fait. Voilà, merci. Ben, c'est amusant que vous ayez parlé de Foucault, parce qu'avant votre venue, on avait justement évoqué Foucault. On parlait en s'interrogeant s'il fallait, pour changer justement le système, passer par le chaos ou améliorer le système à partir de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Et j'évoquais justement un dialogue entre Foucault et Chomsky, où contrairement à Chomsky, Foucault condamnait le chaos et proposait plutôt de garder dans le système ce qui fonctionnait et d'améliorer ce qui ne fonctionnait pas. Maintenant, et là encore, Foucault revient, puisque juste avant votre venue, on parlait du revenu de base, et il se trouve justement que Foucault est un des premiers à avoir défendu cette idée, il est cité en tout cas comme étant parmi les intellectuels français ayant pris en considération cette idée. Et la question que je vous pose, c'est concrètement, au-delà de la dénonciation du système et de la nécessité de changer le système, pensez-vous que cette idée-là peut être un des moyens permettant justement de modifier la raison de l'histoire? Oui, l'intervention n'est pas de donner des solutions à la question du néolibéralisme, je crois. Bon, mais pour juste ajouter sur la question du néolibéralisme et surtout citer Marcel Gauchet qui a beaucoup travaillé sur la question, il date la sortie ou bien l'entrée dans la question superstructurelle du néolibéralisme à partir des années 70 surtout, où il y a plus de sorties des normes hétéronomes et une contradiction entre les droits individuels et la société en général avant les années 45. Alors, donc cette contradiction-là a abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui la société néolibérale. Bon, la question des réponses sur les solutions n'est pas encore trouvée, elle est en train d'être discutée par tout le monde. Bon, alors, ça fait beaucoup de questions. La première question, je crois, elle portait, donc il faut faire court, elle portait sur la stratégie. Alors, je ne suis pas un stratège, je ne pense pas non plus que Christian soit un stratège. Mais, enfin, je ne sais pas, tu es peut-être un stratège, mais en tout cas, moi, je n'en suis pas. Hein. Mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut quand même assez identifier très précisément les mécanismes que l'adversaire met en place pour comprendre à qui on a affaire et pour comprendre comment on peut battre en brèche la logique. Alors, dans un premier temps, ça ne peut se faire justement que par des brèches. C'est-à-dire, il me semble absolument exclu d'envisager dans un premier temps, en tout cas, une sorte de face-à-face. Parce qu'il faudrait trouver le terrain où se situer complètement en dehors. Justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'en dehors du système. C'est que le système est mondial et que par conséquent, si on ouvre un certain nombre de fronts comme ça ou des brèches, à ce moment-là, on peut essayer de les élargir en coordonnant des expérimentations. Ça peut être à l'échelle régionale, ça peut être à l'échelle nationale, et ça peut être, et à mon avis, ça doit être d'emblée à l'échelle internationale. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Christian, on était extrêmement content de Nuit Debout Globale, parce que justement, on y a vu une sorte, comment dirais-je, de germe ou d'embryon qu'il fallait faire lever, de coordination entre des groupes appartenant à des pays différents, mais qui envisagent justement une riposte à une échelle d'ensemble, ce qu'ils comprennent que justement on a affaire au même système, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans d'autres pays. Je suis allé il y a peu de temps au Québec, et j'ai eu l'occasion de m'apercevoir également que les problèmes se posaient, alors bien sûr, toujours à chaque fois avec un prisme différent dû à la situation nationale, mais vous avez une expérimentation des communs qui est assez remarquable à certains égards. Par exemple, là, vous avez une lutte de 10 ans, une lutte populaire qui a débouché il y a quelques jours sur l'obtention d'un terrain de 30 hectares sur la pointe Saint-Charles, qui est un quartier près du Vieux-Port à Montréal. Et c'est des travailleurs sociaux qui ont réussi à obtenir ça. Et c'est assez remarquable parce qu'ils envisagent de construire une sorte de centre autogéré pris en charge par les citoyens, multifonctionnel, dans lequel on trouverait des choses très très diverses. Et ça, c'est une expérimentation de commun. Et ça peut être une expérimentation à une très grande échelle, parce qu'à l'intérieur de Montréal, une telle surface, c'est énorme. Mais ce sont des choses qui sont, entre guillemets, concédées en fonction d'un certain rapport de force. Donc la question est de savoir comment aller plus loin. Et effectivement, je crois que la seule solution, c'est la coordination démocratique. Je ne parle pas de centralisation. Je ne parle pas de la construction d'une nouvelle internationale avec des souvenirs qui datent d'une certaine époque. Je parle d'une coordination démocratique des groupes qui se fixent exactement le même type d'objectif. Je parle de la première internationale, c'est simplement la polémique entre anarchistes et marxistes. Et bon, voilà. Mais c'était uniquement pour dire que cette coordination me paraît absolument décisive parce que la riposte ne peut pas être uniquement locale, la riposte ne peut pas être uniquement nationale. Elle doit donc relever d'une certaine forme d'internationalisme pratique. Voilà, ça c'est pour la réponse à la stratégie. Oui, je crois qu'il faut quand même ajouter que, disons que la gauche est partagée, quand gauche critique ou radicale, quand même partagée entre des options très différentes et que nous avons fait notre choix. D'une part, nous ne sommes absolument pas dans la tradition insurrectionnaliste, si je puis dire, où il suffirait d'affronter la police tout de suite, de foncer sur les flics et de déclencher une insurrection générale dans la tradition d'un certain Blanqui. Elle a ses titres de noblesse, mais d'une certaine façon, on sait où ça va, c'est-à-dire à l'échec, et d'une certaine façon, ça nuit au mouvement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous ne sommes pas du tout les adeptes de l'État-nation comme ultime rempart face à la mondialisation néolibérale. Comme Pierre l'a dit, le choix que nous avons fait depuis extrêmement longtemps, c'est celui du renouveau de l'internationalisme. Avec la grande question aujourd'hui, stratégique, c'est de repenser à un effort, en effet, plus proche, sans doute, de la première internationale que de la deuxième, de la troisième et de la quatrième. C'est-à-dire une internationale ouverte à toutes les associations, toutes les organisations politiques, tous les syndicats qui se reconnaîtraient dans une plateforme de lutte contre le néolibéralisme. Ceci n'est pas impossible, mais il faudrait que ces coalitions d'abord se créent au niveau national, ou en tout cas que déjà on assiste à ces formes de dépassement, je dirais, de la forme parti. On est encore trop enfermé, me semble-t-il, dans cette tradition qui date de la fin du XIXe siècle, qui consiste à vouloir construire le parti révolutionnaire ou réformiste, peu importe, avant de prendre le pouvoir d'État. Je pense que tout ceci est une impasse, à montrer ses limites en tout cas, et doit être repensé de façon tout autre. Donc l'idée que nous avançons dans le dernier bouquin, c'est quand même une idée stratégique. On n'est pas stratège, mais on a quand même avancer sur ce terrain-là en parlant de coalition internationale, de coalition démocratique internationale pour combattre ce que nous appelons par ailleurs le bloc oligarchique national et international. Je pense qu'il faut quand même aujourd'hui dépasser et la forme parti et la forme, je dirais, nationale du politique. Ça me paraît tout à fait important. Sinon, pour les deux autres interventions, sur Gaucher, nous ne sommes absolument pas sur une ligne de gauchers qui pense que le néolibéralisme, c'est l'extension des droits individuels. Je pense que c'est pas du tout, c'est une incompréhension et une méconnaissance totale dont Gaucher fait preuve à cet égard. L'homme a ses qualités, il a travaillé sur un certain nombre de domaines, mais sur ce point-là, il se trompe absolument totalement. Pour quelqu'un comme Gaucher, c'est quand même assez incroyable de ne pas comprendre, de ne pas savoir même que ce qui structure quand même la société, c'est le capitalisme. Je veux dire qu'il pense que c'est que depuis plusieurs siècles, ce qui caractérise notre modernité, c'est les droits individuels. C'est quand même se mettre le doigt dans l'œil. Bon, excusez-moi d'être un peu familier. Bon, quant à Foucault, je pense qu'il a donné un certain nombre de clés importantes sur le néolibéralisme, mais il les a données en 1979. Depuis lors, alors il a anticipé des choses de façon tout à fait remarquable, sur lesquelles nous avons pris appui et de façon assez importante dans notre bouquin. Mais évidemment, il n'a pas vu le déroulement et la mise en place du système. Donc on ne peut pas simplement se contenter de reprendre des formulations de Foucault qui sont pour certains ambiguës. Pour nous, elles ne le sont pas. Certains pensent que Foucault était un converti au néolibéralisme. Bon, il signale simplement que les néolibéraux, avec Milton Friedman, ont fait le choix, certains ont fait le choix de formules de l'impôt négatif et d'une certaine forme de revenu. D'une certaine façon, ce qu'invite à penser Foucault, c'est que le revenu de base est une formule néolibérale. Je ne fais pas cette proposition mienne, mais en tout cas, c'est assez intéressant de repérer que cette affaire a été initiée par les néolibéraux et que entre les différentes versions du revenu de base, il y a certainement des oppositions, des démarcations extrêmement importantes à faire, ce qui n'est souvent malheureusement pas fait. Quant à nous, nous n'avons pas travaillé complètement sur cette question-là, mais il nous semble important de lier la question du revenu, je dirais, aux contributions au commun. C'est-à-dire, je crois que ce qui est important dans le revenu de base, c'est l'articulation aux activités du commun. Et j'en viens simplement à un point qui me semble très important sur le que faire. Que faire ? Évidemment, se lier aux autres groupes, s'investir et s'engager dans, par exemple, Nuit Debout. Mais il faut quand même explorer chacun où nous sommes, dans les positions où nous sommes, dans les places où nous sommes, les capacités que nous avons de créer des communs. Je pense que nous avons une capacité créatrice complètement inexploitée. Il ne faut pas cultiver le sentiment de l'impuissance devant un système qui nous écrase. Je pense qu'il y a des possibilités aujourd'hui, et ça se voit dans plein d'endroits en France. Alors peut-être moins à Paris, je ne sais rien, mais vous circulez en France ou en Italie ou en Espagne, et vous voyez que, par exemple, en Espagne, les gens qui ont fait le 15e, eh bien, ils ont investi les quartiers, ils ont des assemblées de quartiers, ils ont créé des librairies, ils ont créé des cafés, ils ne cessent finalement d'agir, ils occupent des centres sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont prolongé leur mouvement par l'institution de communs. Ils ont au point de créer un tissu social, un tissu social et politique qui est aujourd'hui le support des conquêtes municipales à Madrid, à Barcelone et ailleurs, et qui sont aujourd'hui les bases, finalement, de la conquête du pouvoir. Un de nos amis espagnols a expliqué ça en opposant, justement, la peau, une sorte de seconde peau qui s'est créée sur la société, extrêmement dense, un tissu, si vous voulez, qui s'est créé après le 15e, et qui l'oppose au théâtre politique. Et je pense que là, dans cette image-là que nous utilisons, nous reprenons à notre compte dans le bouquin, on a un peu ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, finalement, nous avons d'abord à vivre une sorte d'imaginaire nouveau, que nous appelons l'imaginaire du commun, mais nous avons aussi à le concrétiser, à créer ce qu'un sociologue américain, Eric Holling Wright, appelle des utopies réelles. Nous avons à créer des utopies réelles, chacun à notre mesure, dans nos petits endroits, dans nos activités. Et nous avons à transformer aussi nos activités, les activités professionnelles ou autres, ou scolaires ou universitaires dans lesquelles nous sommes engagés. Merci beaucoup. Je fais partie des fans, en effet, de vos travaux. Et je sais que vous revenez régulièrement sur la question du rapport entre le néolibéralisme comme une des formes du capitalisme et le capital lui-même. Bon, et moi, j'aimerais bien que vous y reveniez peut-être là dans la discussion. C'est-à-dire, bon, on sait que c'est une question qui traverse la gauche radicale, la gauche critique, voire la gauche révolutionnaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'en prend uniquement à cette modalité-là de raison disciplinaire qui nous traverse, y compris jusque dans nos corps, qui est la forme du néolibéralisme, une des formes qu'a revêtu la longue histoire du capitalisme, ou est-ce qu'on s'en prend plus fondamentalement, est-ce que c'est l'occasion de revenir plus radicalement à ce que représente le capital ? Comme rapport social, comme rapport salarial, comme rapport de production. Voilà. Donc, et du coup, la question qui en découle, me semble-t-il, c'est celle d'autres modalités du commun. Parce que je suis frappée d'entendre évoquer des formes de commun qui sont en effet absolument enthousiasmantes, que ce soit l'exemple de Montréal, que ce soit l'exemple de ces centres sociaux, de ce qui se passe en Espagne, de ce qui a été... On pourrait évidemment citer bien des expériences en Grèce qui relèvent précisément de ces formes de politique au sens vraiment strict de mise en commun de cité. Mais ce qui est frappant quand même, c'est qu'on s'interroge peut-être pas suffisamment sur l'entreprise, enfin sur le travail, enfin, et sur du coup le commun qui ne serait pas uniquement... Du politique au sens que vous avez décrit, hein, c'est-à-dire justement des lieux comme Nuit Debout, voilà, mais les lieux de travail. Hein, et comment donc on pense... Comment ? Là, c'est une interrogation par rapport à la discussion qu'on mène là présentement. Et du coup, ça pose aussi des questions stratégiques, parce que c'est sûr que la limite, et on en est tous et toutes bien conscients, la limite de Nuit Debout... c'est que c'est un espace politique, mais qui est assez déconnecté de l'espace socio-économique des entreprises. Donc, c'est comment aussi faire le lien du point de vue stratégique. Et du coup, je pense que dans nos discussions théoriques, il doit y avoir des débouchés pragmatiques de ce type. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut aussi revenir sur... Voilà, est-ce que la question de la socialisation des moyens de production, hein, pour être extrêmement à la fois banale et grandiloquente, pourrait se poser à nouveau comme une des modalités centrales aussi du commun. Merci. Vous insistez beaucoup et avec raison sur l'espèce de carcan ou de corset dans lequel sont insérés les États, que ce soit la Turquie, la France ou d'autres, et qui les contraint en quelque sorte à la raison néolibérale. Est-ce que, à votre sens, il n'y aurait pas dans la libre circulation des capitaux l'un des facteurs centraux de cette captation? Boltanski et Capello ont montré dans le nouvel esprit du capitalisme le rôle du différentiel de mobilité dans la régulation du marché du travail notamment, mais c'est-à-dire que le plus mobile est le plus fort. Aujourd'hui, le plus mobile, celui qui n'a pas de frontières, c'est le capital, et ça lui permet de mettre en concurrence les souverainetés. On sait que les paradis fiscaux, par exemple, ne sont rien d'autre que l'effet d'une marchandisation des souverainetés, où ceux qui n'ont rien d'autre à vendre sur le marché international du travail vendent leur souveraineté au mieux offrant. Alors, on pourrait conclure à une forme d'impuissance face à cette libre circulation des capitaux. En réalité, elle a quand même été pensée et mise en œuvre par des États, et en particulier par la France, par des Français en tout cas. Des Français au FMI, des Français à l'OCDE, des Français au niveau européen. Et donc, moi j'ai toujours un peu peur... Quand vous dites qu'il faut un grand mouvement mondial, une grande internationale avant qu'on puisse faire quoi que ce soit, je me dis finalement, il y a quand même aussi dans notre pays des gens qui peuvent avoir une influence considérable sur la marche du monde. Et s'il y avait une remise en cause assez forte de cette question-là, de la libre circulation des capitaux, est-ce que ce ne serait pas une des mères des batailles à mener ? Bon, nous, on avait prévu le parapluie, hein. Oui, pour répondre sur l'entreprise. Donc, dans notre bouquin qui s'appelle Commun, c'est une dimension que nous abordons de façon, je crois, la plus précise possible, c'est-à-dire de penser que, d'une part, historiquement, en effet, les socialistes du 19e siècle ont pensé l'extension de la démocratie au monde de la production, et que de cela, au monde de l'entreprise, et cela est un trésor, si je puis dire, un héritage que nous avons à recueillir. Donc le commun, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors du monde de la production et du travail. La grande question, c'est précisément, au contraire, de penser aujourd'hui la transformation des entreprises privées, mais comme des services publics, en commun, dans le sens où nous l'entendons, c'est-à-dire comme des institutions qui ont deux caractéristiques. La première est liée entre elles. La première, c'est l'autogouvernement. Et la seconde, c'est, si je puis dire, la primauté de l'usage collectif sur la propriété. Et donc, la question, c'est de penser le commun de façon transversale. C'est-à-dire, d'une part, dans le monde donc socio-économique, et d'autre part, dans le monde politique. Et à la fin, nous avons osé, si je puis dire, imaginer, parce que nous valorisons beaucoup l'imagination politique, nous avons osé imaginer ce que pourrait être une société ordonnée au principe du commun, sous le mode d'une double fédération. Nous appuyons assez largement sur Proudhon sous cet angle-là, une double fédération, une fédération des communes, c'est-à-dire des communs politiques territoriaux, et une fédération des communs socio-économiques. Et ces communs socio-économiques, c'est précisément ces entreprises transformées en commun. Et ce qui suppose évidemment des processus révolutionnaires qui concernent le monde capitaliste. C'est-à-dire, nous ne pensons absolument pas le commun comme quelque chose qui serait compatible avec le capitalisme. Nous ne pensons absolument pas le principe du commun comme quelque chose qui concernerait un secteur isolé dans la société. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vous disent « Ben, commun, c'est très bien, c'est l'économie sociale et solidaire. » En gros, et puis quelques formes de gouvernement, des ressources naturelles. Et puis tout le reste, ça sera l'entreprise privée. Mais ceci n'est absolument pas viable. Ceci n'est jamais finalement qu'une ressucée des illusions de la deuxième gauche des années 80 qui a rabattu les ambitions révolutionnaires sur des transformations isolées, sectorielles, et qui n'ont abouti à pas grand-chose. Bon. Donc non, il s'agit de tout à fait autre chose. Si on pense aujourd'hui la révolution, c'est ce que nous avons essayé de faire, pensons la révolution, il faut penser la révolution, évidemment, dans tous les domaines, c'est-à-dire penser l'institution des communs dans tous les secteurs. Maintenant, la grande question, c'est quelles sont les forces sociales et politiques qui pourraient porter, évidemment, ce processus révolutionnaire. Et là, évidemment, ce n'est pas ici, place de la République, le 22 mai, qu'on pourra, ou 21 mai, qu'on pourra le dire. Par contre, le travail dans les syndicats, je sais bien qu'il y a eu des tensions entre Nuit Debout et syndicats, enfin, une difficulté d'articulation. Pour nous, le travail syndical et dans les syndicats est quelque chose d'absolument essentiel. Hein. Oui, c'est la question que vous avez posée, la question sur finalement le rapport au capitalisme. Dans notre esprit, il ne fait absolument aucun doute que si on combat véritablement jusqu'au bout le capitalisme dans sa forme néolibérale, on se donne les moyens de combattre le capitalisme tout court. Ce que je veux dire par là, c'est que notre objectif n'est absolument pas de dire il faut mettre fin au capitalisme néolibéral pour revenir à un capitalisme, comment dirais-je, acceptable, qui était le capitalisme, comment dirais-je, limité par les mécanismes de l'État-providence. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est en effet, clairement, celui d'une destruction ou d'un renversement du capitalisme. Mais c'est un système. Donc, quand on parle du capitalisme, on parle de quoi ? Il y a une formule de Marx qu'on trouve dans le livre 1 du Capital, qui est une formule absolument remarquable, où il dit que ce qui fait la spécificité de ce système de production, c'est le fait de faire du plus, et du plus, et toujours du plus. Voilà. C'est une expression allemande assez difficile à traduire, mais il dit ça, à peu près, il dit exactement ça. Bon, et ça, c'est parfaitement juste, mais si vous essayez à partir de là de déduire toutes les formes singulières que le capitalisme a pu prendre au cours de son histoire en disant « Ah, voilà l'essence du capitalisme, faire du plus », à ce moment-là, vous aurez bien des difficultés. Parce que qui sont les autres, et il faut analyser donc celle dans laquelle nous sommes, et effectivement se donner les moyens à ce moment-là, par l'intelligence de la façon dont le système fonctionne, de le contester, et de le contester en bloc radicalement du point de vue de sa logique de fonctionnement. Et c'est en effet ce que nous préconisons. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute. Hein. Nous ne sommes pas à cet égard des gens qui pensons que le commun va nous permettre d'aménager le capitalisme de telle sorte qu'il devienne un peu plus vivable. Bon, c'est pas du tout pas. Mais alors, ça n'a jamais été notre objectif. Voilà, c'est sur le premier point. Deuxième point concernant le lieu de travail et la question de production. C'est en effet quelque chose d'assez important. Aux remarques qui sont des remarques programmatiques. Il y a peut-être un certain nombre de choses à préciser. Il y a des luttes aujourd'hui en France, pas à l'échelle internationale. Pas simplement donc à l'échelle internationale ou dans tous les pays, mais vous voyez, et ça se passe en France, il y a des reprises d'usines ou des reprises d'entreprises. Des reprises d'entreprises qui sont appelées, par exemple, en Argentine, des récupérations. Vous avez peut-être entendu parler de cela, il y a un certain nombre de sociétés qui se sont constitués, qui sont des coopératives de production, parce que les salariés ont décidé de reprendre à leur compte l'entreprise qui avait été délaissée, abandonnée ou qui avait été liquidée judiciairement. Et il y a des expériences justement qui se mènent, qui sont très intéressantes, parce que les coopératives de production, ça renoue justement avec une inspiration très ancienne qu'on trouve au 19e siècle dans le mouvement associationniste, c'est-à-dire des ouvriers qui se disent ben, le seul moyen, d'en sortir, c'est justement de mettre nos forces en commun, de reprendre les entreprises, mais pas pour faire prévaloir une logique propriétaire, pour faire prévaloir une logique associationniste ou une logique qui est celle du commun, déjà, même si le nom n'est pas donné. Et il nous semble que ce sont des angles qui sont très importants à réfléchir et à méditer. Pourquoi ? Parce que ça pose un problème sur la question de l'alternative. Vous savez, on a été habitué, enfin moi je fais partie des gens, je dis pas que c'était des le biberon, mais je fais partie des gens qui à l'âge de 17 ans, de 16 ans ou de 17 ans, ne raisonnaient qu'en termes d'une alternative très simple, c'était soit la propriété collective des moyens de production, soit la propriété privée des moyens de production. Mais justement, on raisonnait en termes de propriété. Et on se disait, alors on disait pas, vous avez utilisé une autre formule un peu plus élégante et un peu moins engageante qui est celle de socialisation des moyens de production, mais propriété, tout le problème c'est justement celui de la limite de la propriété, quelle qu'en soit la forme. Et justement, le problème des coopératives, c'est justement le problème pratique qu'elles affrontent, parce que souvent, elles ont un capital. Ce capital est effectivement détenu à parts égales par les membres de la société coopérative, mais ce capital demeure un capital. Et à certains égards, il est privé relativement aux autres travailleurs qui ne font pas partie de la coopérative. Et il est privé aussi relativement à des usagers. Et donc la difficulté des coopératives, du mouvement des coopératives, c'est d'essayer de surmonter cette limitation. C'est-à-dire de mettre en œuvre des formes de coopération qui n'impliquent pas la détention d'un capital et qui implique un rapport entre les travailleurs et les usagers qui ne soit pas un rapport réduisant les usagers à de simples consommateurs. Parce que ça, alors là, c'est complètement le néolibéralisme. Quand vous entendez parler, le terme d'usager est un terme très fréquemment utilisé aujourd'hui, en particulier dans les médias, en particulier par les représentants du néolibéralisme, quelle que soit leur couleur politique, pour une raison très simple. Ça les arrange de ramener l'usage à la consommation. Et ils ne peuvent absolument pas envisager autre chose que l'usage comme consommation. Dans les coopératives, justement, ce qui émerge, c'est une autre demande. Vous avez de plus en plus de coopératives qui associent les usagers et les producteurs. Et ça veut dire que les usagers ont part à la décision politique sur les orientations. Et à mon avis, c'est ce type de chemin qu'il faut suivre pour expérimenter le commun de production à une échelle très très large. Voilà, pour répondre précisément. Et vous voyez qu'à ce moment-là, c'est plus simplement l'alternative entre propriété collective et propriété individuelle. Parce qu'il y a parfois une propriété collective qui est le nom d'un égoïsme collectif. C'est-à-dire qu'un groupe peut parfaitement avoir avec des moyens de production ou avec un capital un rapport exclusif qui implique que tous les autres soient systématiquement expulsés. Et ça fait une propriété collective, mais cette propriété collective ne permet justement pas de créer du commun ou d'instituer du commun. Voilà, donc c'était concernant la circulation des capitaux, je suis entièrement d'accord avec vous, mais le problème c'est que les gens qui en France ont une certaine influence, ont une influence dans des institutions qui elles sont d'emblée internationales. Et que ce soit, bon, je pense que vous songez à quelques personnes en particulier ou à quelques noms, bon, il y a Lagarde bien sûr, mais il y en a d'autres, il y a Pascal Lamy, il y a tous les gens qui sont dans les institutions comme l'OMC, comme l'OCDE, comme toute la Banque mondiale, tout ce qu'on peut imaginer, le FMI, etc. Donc certes, c'est des Français, mais ce sont des Français qui réagissent d'abord et avant tout en fonction de la mission qui leur a été assignée par ces institutions. Et donc il faut à ce moment-là considérer que l'adversaire, et même allons plus loin, l'ennemi, c'est le système formé par toutes ces institutions coalisées. Alors, certes, mais je n'ai pas dit, contrairement à ce que vous avez eu, enfin, j'ai cru comprendre ça en tout cas dans votre intervention, je n'ai pas dit qu'il fallait d'abord une première étape d'emblée qui serait internationale, et puis ensuite seulement. Il n'y a pas d'avant et d'après, ça doit se faire simultanément. Voilà. Dans mon esprit, en tout cas, et dans l'esprit de Christian, je ne pense pas qu'il entre un calcul du type on va d'emblée se situer à l'échelle internationale et atteindre le centre de l'Empire, etc. C'est pas du tout notre idée. Donc ça se fait aussi bien au niveau local qu'au niveau national, qu'au niveau international. Mais le niveau international ne doit pas être délaissé, parce que souvent, on a tendance à dire on se préoccupe d'abord et avant tout du cadre de l'État-nation, et puis ensuite, éventuellement, dans un second temps, on verra à déployer une lutte sur le plan international. Ça, nous ne le pensons pas. En revanche, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit sur la circulation des capitaux. Mais c'est un des... C'est peut-être pas le seul nerf, mais c'est absolument fondamental. Parce que vous avez vu comment, par exemple, dans la construction européenne, vous avez une dissymétrie qui est quand même frappante entre la circulation des personnes et la circulation des capitaux. Bon, et c'est même plus qu'une dissymétrie. Ça va très très loin, puisque le traitement est totalement différent selon qu'il s'agit de personnes ou selon qu'il s'agit de capitaux. Mais il faut remonter aux sources. de la construction européenne, pour s'apercevoir qu'en effet, elle fait de la libre circulation des capitaux le principe de sa construction. Donc ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui fait partie des fonds baptismaux de l'Union européenne. Je ne parle pas de l'Europe telle qu'on pourrait la rêver, hein. Je ne parle pas d'une fédération démocratique des peuples européens, je parle de l'Europe telle qu'elle fonctionne, et depuis 1957, depuis le traité de Rome. Elle est fondée sur la logique de la concurrence entre les capitaux et entre les États. Bonjour, je pense que pour ne pas être complètement désespéré, il faut effectivement faire des choses très concrètes. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur les coopératives, parce que j'en ai co-créé plusieurs. Je pense qu'on a à se réapproprier l'ensemble de l'économie, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que travailleur. Et c'est excessivement important parce que c'est un pouvoir qu'on a. On a un pouvoir de consommer d'une certaine façon. Donc il y a des groupements d'achat qui existent, il y a des coopératives alimentaires qui se recréent un peu partout. Ça s'est fait dans d'autres pays, donc c'est des mouvements qui sont pas du tout qu'en France, on est même plutôt un peu en retard par rapport à ça. Il y a des coopératives de travail, il y a des coopératives, des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui peuvent recréer, enfin, remettre du commun là où il n'y en avait plus. Il y a par exemple des services, des régies d'eau qui sont créées en SIC pour justement recontrôler l'eau dans une commune. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut réimpulser à des niveaux qui sont des niveaux micro-locaux. Et sur le travail, il y a effectivement les SCOP, il y a les coopératives d'activité qui reconstruisent avec des gens qui sont des professionnels ubérisés, qui reconstruisent du salariat. Donc à nos petits niveaux, je pense qu'on a des choses à faire pour se réapproprier collectivement l'économie. Parce qu'en fait, l'important, c'est l'économique. Enfin, on voit que tout passe par là maintenant et que ce domaine-là, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Il faut vraiment utiliser le peu de pouvoir qu'on a, c'est-à-dire notre pouvoir de consommateur, notre pouvoir de travailleur et de décider comment on travaille. Alors juste, j'invite les gens à venir vous asseoir parce que là, il y a une place vide et c'est sec maintenant. Alors, oui, tout d'abord, dire mon accord totalement avec l'insistance que vous avez donnée sur l'aspect international. Il n'y a pas de solution nationale, il n'y a pas de socialisme dans le pays. La vie est devenue plus internationale que jamais. Toute solution doit immédiatement avoir une dimension internationale. Ça, c'est sûr. Une autre aussi d'accord, s'il ne s'agit pas de créer des communs pour faciliter le capitalisme ou croire que ça peut être compatible avec le capitalisme, surtout à long terme. Mais sinon, deux remarques. La première, je suis étonné que vous n'ayez pas parlé du commun qui existe déjà et qui a été créé depuis une vingtaine d'années, tel que Wikipédia, tel que ce qu'on appelle, vous n'avez pas parlé bien clair, le concept de production entre pairs basé sur les communs. Tout le monde ici, je pense, à un moment ou à un autre, a utilisé par exemple Wikipédia, qui est le produit de quelqu'un qui a travaillé, qui a passé des fois des heures pour pouvoir le mettre en place, auquel on a accès, auquel on peut corriger, qui est géré d'une façon très efficace et collective, et qui constitue un modèle qui semblait impossible au départ, mais qui est un modèle concret de ce que peut être une production basée sur le commun. Maintenant, le dernier point, c'est sur la dynamique de commun. Comment créer des communs et comment mettre des choses en commun? Il y a un exemple qui a été donné tout à l'heure, on a dit en Grèce, il y a eu pas mal d'expériences. Une des plus belles, ça a été un hôpital qu'on a essayé de faire marcher gratuitement. On prend l'hôpital, c'est la crise, on prend l'hôpital et on le fait marcher gratuitement pour tout le monde. Ça n'a pas duré longtemps. Ce qui est curieux, c'est que parmi les premiers opposants, c'était les syndicats. Vous parlez beaucoup des syndicats et vous avez l'air de croire que les syndicats peuvent être un moyen pour mettre les choses en commun. En général, ce n'est pas, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais ils se situent dans une logique qui est à l'opposé, justement, de la logique du commun. Et dans le cas de la Grèce, ils ont joué un rôle actif pour dire non, ça ne peut pas marcher. Un des moyens, et je pense que ce sera à ce niveau-là que ça se jouera le plus, c'est effectivement que pour mettre en commun les vrais moyens de production, eh bien ça va être dur, et ça va castagner, et ça sera une guerre. On a vu déjà, vous avez cité le cas du Québec par exemple. Là ça va, c'est simple, on prend un terrain, bon c'est difficile, mais c'est plus difficile lorsqu'il s'agit de mettre les chemins de fer, l'électricité. Dans le cas de l'hôpital en Grèce, par exemple, c'est très bien de tenir l'hôpital, mais très vite, la question se pose. l'électricité, si on nous coupe l'électricité, si on nous coupe l'eau, il n'y a plus moyen. Pour que ce soit en commun, il faut prendre en commun l'électricité, il faut prendre les chemins de fer. On a vu, et à ce niveau-là, c'est quelque chose que j'espère va se développer dans le mouvement actuel, on l'avait vu par exemple dans la grève de 87, des cheminots qui essayaient de mettre en marche des chemins de fer gratuitement, et qui disaient, on fait marcher les trains, alors qu'ils étaient en grève, on va faire marcher les trains, et ce sera gratuit, et ce sera un modèle. Et c'est les syndicats qui se sont opposés, qui ont dit, ah non, ce n'est pas légal, il va y avoir de la répression, etc. Mais c'est ça qui est l'avenir. C'est prendre, on prendra l'électricité, les grands moyens de production, ceux qui déterminent l'essentiel de la production globale, c'est ceux-là qu'il faut mettre en commun. Et là, il faudra une conscience, une volonté, mais c'est le seul moyen de véritablement faire des communs qui soient plus compatibles avec le capitalisme et qui ouvrent véritablement une voie vers l'avenir. J'en profite. Avec tout ce que j'entends, je ne vois pas comment on peut articuler les communs avec la non-croissance, voire la décroissance. Et si c'est dans un cas contraire, je ne vois pas comment on peut s'abstenir de violence, puisqu'il y a là une atteinte donc directe au dogme de la propriété privée, dont il faudrait pouvoir s'accommoder. Maintenant, il y a des voies pour le faire, pour accommoder ce dogme souligné par Marx, vous l'avez dit, mais qui est inscrit dans notre constitution. Hein, la propriété privée, c'est sacré. Alors, comment est-ce qu'on désacralise le truc ? Voilà. Oui, je voulais juste vous demander de définir le mot commun, parce que on l'utilise beaucoup, il y a beaucoup de critiques autour de ce terme, et je voulais savoir du coup de quelle façon vous pouviez le définir. D'accord, ok. Alors sur la définition du commun, ça va être très rapide. La définition du commun que nous donnons dans l'ouvrage qui s'appelle commun, c'est que le commun, c'est d'abord et avant tout un principe. Et c'est le principe de ce qu'on appelle une co-obligation. Tout simplement parce que dans la notion de commun, vous avez une vieille racine latine, munus, qui signifie obligation. Mais en même temps, munus a une autre signification qui est celle d'une tâche ou d'une activité. Et donc, vous avez cum munus, c'est-à-dire vous avez l'idée d'une co-obligation, et en même temps l'idée d'une co-participation ou d'une co-activité. Bon, et par conséquent, ce que nous faisons dans le livre, c'est que nous disons que le commun, c'est la co-obligation qui est fondée sur la co-activité. En d'autres termes, et vous allez voir tout de suite que ça a des conséquences qui sont révolutionnaires au regard, en tout cas, de l'état de choses existant, ça signifie qu'on ne peut pas admettre une co-obligation sur le plan politique qui ne soit pas fondée sur la coparticipation à une même activité. Donc ça signifie que c'est la remise en cause directe de la démocratie représentative. Parce que ça signifie qu'une petite minorité ne peut pas s'arroger le droit de parler et d'agir au nom du grand nombre. Voilà. Donc c'est d'abord et avant tout pour nous ce principe politique. Et ce que nous appelons les communs qui doivent être institués, ce sont des choses qui relèvent d'une activité qui peut être parfaitement locale, qui peut être régionale, qui peut être sectorielle, qui peut être internationale. Mais nous faisons la distinction entre le commun au singulier et les communs au pluriel. Le commun comme principe, c'est pas quelque chose qu'il faut instituer, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître intellectuellement et pratiquement. Voilà. Et cette idée-là, par exemple, faites bien attention au contenu de cette idée et demandez-vous après dans quelle mesure ça peut être compatible avec ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, avec Uber et Airbnb. Il y a beaucoup de gens, les néolibéraux au premier chef, qui sont tout à fait intéressés à ce que les gens confondent les deux et qui présentent parfois assez subtilement d'ailleurs Airbnb et Uber comme des formes de commun. Mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune coparticipation, il n'y a aucune coactivité. On vous dit simplement, ah mais non, on va jouer nous le rôle d'intermédiaire pour mettre directement des particuliers en contact pour qu'ils puissent échanger leurs services. Ça n'a strictement rien à voir avec le commun. C'est la négation du commun. Oui, c'est même la généralisation du rapport capitaliste, d'une certaine façon, puisque vous faites de vos propres biens, d'une certaine façon, un capital source de revenus. J'insiste sur ce point parce que sur la question du capital, nous donnons une interprétation très extensive au capitalisme, puisque le capitalisme lui-même s'est précédu, le néolibéralisme étant une sorte de, d'extension, d'exportation de la raison du capital en dehors de la sphère même de, du lieu d'accumulation du capital. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. La période est nouvelle en ce sens que la raison du capital, c'est-à-dire précisément la logique de l'accumulation et du toujours plus, s'est étendue maintenant à l'ensemble de la sphère institutionnelle, politique, publique, puisque... Par exemple, je ne donne que cet exemple-là sur lequel on a un peu travaillé, la catégorie de capital humain a désormais aujourd'hui une portée structurante dans tout le monde de l'éducation et à l'échelle internationale. Et l'idée de capital humain, ça veut dire que chacun doit s'identifier, est enjoint de s'identifier à un capital, c'est-à-dire finalement à une sorte de valeur qui doit s'auto-valoriser de façon illimitée. Et donc, il ne faut pas oublier que Marx, quand il écrivait Le Capital dans les années 1860, avait une réalité en face de lui, mais que cette réalité a beaucoup changé. Et elle a beaucoup changé en ce sens que la logique même du capital est devenue une logique sociale générale. Et donc que la logique de la valeur n'est plus du tout restreinte à ce que Marx voyait, c'est-à-dire la production, en gros, de marchandises. Oui, d'une certaine façon, il y a une sorte de marchandisation générale, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire précisément que tout, avec, on le voit avec Uber et Airbnb, tout est marchandise, mais ça veut dire plus fondamentalement encore que chacun est un capital et que chacun est une entreprise. Et ça, je pense que Foucault avait eu cette intuition que désormais nous étions entrés dans, dans une phase de nouvelle forme de subjectivité. Et c'est ça, je crois, qui fait la nouveauté et la difficulté aussi que nous avons à affronter. C'est-à-dire que d'une certaine façon, nous vivons dans des situations qui nous amènent à entrer dans des logiques de concurrence. Vous voyez bien dans toutes vos activités, d'une certaine façon, ce qui se met en place, c'est le principe de la concurrence. Et j'en viens au commun. C'est si le principe du commun a une telle actualité aujourd'hui, c'est que c'est une réponse directe. Et on l'entend bien d'ailleurs à l'oreille, le principe du commun, c'est une opposition très directe au principe de concurrence généralisée. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la séduction du thème du commun. Mais attention au fait que derrière le commun, comme le disait Pierre, des tas de choses, des tas d'interprétations différentes peuvent s'y loger. Nous, ce que nous avons essayé d'expliquer, c'est que le commun, donc, c'est ce qui qualifie une activité, c'est ce qui qualifie une décision de mise en commun. Et nous insistons beaucoup sur le fait que, d'une certaine façon, le commun n'est pas quelque chose qui tient à une qualité d'une chose, ni même à une condition humaine. C'est-à-dire que nous refusons la réification et l'essentialisation du commun. C'est-à-dire, en fait, nous refusons l'approche juridique et économique qui est assez dominante dans l'histoire du commun pour choisir une interprétation résolument démocratique en ce sens que est commun précisément ce qui est décidé d'être mis en commun par une collectivité. Et c'est en ce sens que la question du commun est une question effectivement qui se heurte forcément à des forces adverses et des forces ennemies qui n'hésiteront pas à appliquer évidemment les moyens répressifs pour empêcher l'extension de ce principe du commun. Et il est évident que si nous parlons de révolution, nous ne parlons pas là en l'air, c'est que nous pensons évidemment que la révolution est autre chose qu'une émeute urbaine, mais s'il s'agit bien de réinstituer la société, c'est-à-dire de refondre ces institutions fondamentales, ça ne se fera pas, disons, tranquillement, simplement par des voies électorales, etc. Ça se fera par des activités révolutionnaires. Par activité révolutionnaire, on peut entendre celles qui ont lieu ici et maintenant. D'une certaine façon, la révolution, elle a commencé. Elle a commencé quand des gens se réunissent sur une place et discutent de politique et redonnent un sens nouveau, vif, à ce qu'est l'activité politique, c'est-à-dire à l'activité de délibération et de décision collective. Alors pour l'instant, les flics nous laissent parler. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, mais on voit bien que les pressions s'accentuent sur Nuit Debout et que les forces répressives sont pas loin. Un certain nombre de gens disent que ça ne peut plus durer, etc., etc. Donc effectivement, ce que vous dites sur le fait qu'il y aura des moments d'affrontement, évidemment, et ce qui ne veut pas dire qu'il faut aller le chercher, l'affrontement. Je veux dire qu'il faut aller le provoquer. Parce que ça, c'est le meilleur moyen d'éteindre très rapidement ce qui a lieu ici. Alors, juste, il y a un aspect juste dans sa question. Je voulais intervenir rapidement, c'était juste quand vous avez parlé de Marx et du capital, vous avez cité le capital. Bon, évidemment que Marx c'est un homme de son temps, qu'il était dans la raison économique, hein, qu'il était positiviste, etc., qu'il y avait la valeur travail, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'aujourd'hui on remet en cause, évidemment. Je suis pas marxiste du tout, hein, mais bon, il y a quand même un passage qui est quand même assez extraordinaire dans le capital et qui va à l'encontre de ce que vous dites, c'est le fétichisme de la marchandise, où l'homme est obligé de se vendre comme une marchandise. Et moi qui suis au chômage actuellement, c'est vraiment ce que je vis, quoi. Voilà, c'était juste pour reprendre un peu ce que vous disiez à l'instant. Oui, je voulais simplement évoquer une dimension inquiétante, je dois l'avouer, dans votre intervention. C'est la dimension politique. Et je vois, en fait, quelques réserves. Alors, la première, c'est par rapport à une forme de dualisme, dans le sens où j'ai le sentiment que vous n'envisagez le monde qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul système. Soit c'est le système actuel, soit c'est la nouvelle raison du monde que vous proposez, le commun. Et alors, moi, je suis plus proche de l'approche de Benjamin Rifkin, qui pense que, en fait, qui surestime moins, je dirais, comment ? Ah oui, pardon, Jeremy Rifkin, qui me semble-t-il, surestime moins le libre arbitre et le pouvoir de l'homme, et pense qu'en fait, il y aura dans le futur une complémentarité entre à la fois une économie collaborative, une économie du commun, et à la fois une forme de capitalisme, et que peut-être que progressivement, le commun prendra le pas sur le capitalisme. Alors, et l'approche que je trouve inquiétante, c'est par rapport à l'idée que finalement, vous dites, nous ne sommes pas pour l'État-nation, nous sommes pour une forme d'internationalisme, et donc la question que je vous pose, c'est que devient l'État, que devient l'armée, que devient la démocratie, et est-ce que vous proposez un gouvernement mondial à la tête de cet international, et comment les communs pourront résister à... Alors voilà, quelle est la vision politique de la nouvelle raison du monde que vous proposez, concrètement, au-delà des concepts? On va prendre les dernières interventions. J'interviens sur cette dernière question, non, par rapport à Rifkin, parce que j'ai un peu étudié les thèmes, écrit sur les thèmes. Rifkin, il nous raconte que finalement, la fin du travail, parce qu'il lui dit avec l'automatisation et tout ce qui se passe, on arrivera à la fin du travail, et que donc le capitalisme, il va se retrouver tout seul marginalisé. Alors moi personnellement, sur ce type de discours, je n'y crois pas du tout. Surtout que Rifkin parle beaucoup de, et c'est très bien documenté d'ailleurs, hein, sur toute la problématique des énergies renouvelables, etc. Mais moi je ne crois pas, je ne sais pas si vous y croyez, qu'à un certain moment les grands multinationales de l'énergie, ils vont tout laisser tomber parce que chacun s'organise pour se produire sa propre énergie solaire ou d'une autre façon. Déjà ici, il me semble que si on veut parler de la France et de EDF, tout ce qui était les programmes de de valorisation de ce qui est l'énergie que chacun il peut produire soi-même, est laissé tomber. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus une question économique en quoi vous pouvez mettre une éolienne ou quelque chose et revendre l'énergie parce que on ne vous paye plus assez. Donc, nous sommes dans un pays qui aujourd'hui, encore aujourd'hui, un gouvernement qui a renoncé à diminuer le nucléaire, hein, bien que c'était quelque chose dans les programmes du président actuel. Donc ça, c'est la situation, et donc croire qu'on puisse effectivement renverser la vapeur, que le capitalisme se sera marginalisé sans des luttes, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas seulement il n'est pas crédible, et je dis par rapport à Rifkin, à mon avis, ce n'est pas non plus très honnête. Voilà. Moi, ma question, c'est sur le commun. Ce que j'ai du mal à imaginer, en fait, c'est une fois qu'on a... Quand on crée de la subjectivité collective, on le crée quand même, en général, de manière affinitaire, avec des gens avec qui on s'entend au moins un peu, très localement. Est-ce que dans une vision du monde où le commun, par une espèce de mise en réseau d'alternatives créées collectivement, vient prendre une sorte d'idéal anarchiste, finalement on revient un peu aux théories anarchistes, genre fédération de communes autogérées, affinitaires, mais est-ce qu'on est prêt par exemple à imaginer, enfin moi je suis pas prêt à imaginer que je vive dans un quartier où on a repris le contrôle de manière démocratique et collective sur la nourriture, sur l'école, sur la santé, bon très bien, est-ce qu'on est prêt à accepter que dans le quartier d'à côté où il y a des gens qui fonctionnent de manière commune dans la mesure où ils fonctionnent démocratiquement, ils sont mis d'accord démocratiquement sur leur façon de faire, sur leur projet, mais ils prônent des valeurs par exemple fascistes, racistes, ils ont un système patriarcal, autoritaire, et du coup enfin, la démocratie en elle-même n'est pas un principe politique suffisant pour que les gens fassent des choses bien, et aujourd'hui il y a des gens qui démocratiquement élisent des gens du Front National, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer cette articulation. Et voilà, c'est ça. En fait, tu veux pas poser une question ? Non, mais c'est. Je veux bien poursuivre. En fait, c'est toujours moi l'articulation que j'arrive pas vraiment à entrevoir, c'est comment est-ce que vous passez des expérimentations du commun, qui sont des alternatives collectives en réseau, en coordination, tout ça, et le fait qu'on soit dans une société où le rapport de force et le conflit social est structurant de la société, si vous partagez cette grille de lecture-là, comment est-ce que vous faites pour rendre raison à ceux qui voudront pas rendre raison et leur faire passer de la raison politique néolibérale à la raison politique du commun, quoi. Voilà, comment est-ce que vous articulez la volonté individuelle agrégée dans ces alternatives et ces expériences du commun et tous ceux qui n'auront pas la volonté individuelle de le faire. Voilà. Donc je vous laisse répondre et conclure. Oui, on va répondre à des questions extrêmement difficiles. Donc, la question d'abord technologique. J'ai parlé finalement d'une sorte de refus principiel qui était le nôtre d'aborder la question du commun par l'illusion technologique, que la technologie en elle-même serait la solution et qu'elle aboutirait par elle-même finalement à une situation de gratuité ou autre forme de communisme réticulaire spontané du fait même que les gens aient internet, des informations, etc. Ça, nous n'y croyons pas beaucoup, même si, et là je reviens sur l'exemple de Wikipédia, contrairement à ce que vous semblez dire, nous tenons absolument compte de cela, mais ici nous n'avons pas eu l'occasion de résumer un livre de 600 pages et de dire tout ce qu'il y avait dedans. Nous insistons au contraire beaucoup sur le fait que ce qui a été une condition favorable d'émergence de la thématique des communs, pour parler vite, ça a été précisément le déploiement, le développement de nouvelles formes d'activités, de nouvelles formes de coopération qui ont débuté dans le monde intellectuel, scientifique, informationnel, et qui ont été en effet des exemples frappants et qui ont permis des usages collectifs qui ont montré quelque chose d'absolument essentiel, c'est que on pouvait se passer finalement de la logique marchande, qu'on pouvait aussi se passer de la logique, disons, hiérarchico-bureaucratique, pour faire des choses qui sont extrêmement productives et extrêmement utiles. Et donc, en ce sens, nous ne négligeons absolument pas ce qu'a permis la technologie, ce qu'elle a permis, mais l'essentiel était précisément la construction de règles dans l'activité. C'est-à-dire, Wikipédia, c'est un exemple même de commun, en ce sens que ça fonctionne à partir de la définition d'un certain nombre de règles de fonctionnement. En gros, Wikipédia, ce sont des institutions, c'est une institution. C'est une institution du commun. Et donc, nous mettons beaucoup l'accent sur la question de l'institution. Et pour répondre à votre question, sur l'architecture politique qui doit prendre naissance, en fait, dans le mouvement même, nous ne négligeons absolument pas le niveau politique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout non plus dans l'illusion que l'économie sociale et solidaire, ou je ne sais quoi, finalement, en se développant, permettra de créer un rapport de force suffisant et des institutions politiques. Nous prenons un certain nombre d'exemples. L'exemple, par exemple, espagnol, je reviens dessus. L'exemple espagnol est assez frappant de voir qu'il associe, premièrement, le développement de coopératives ou de formes assimilées à des coopératives, donc à des communs socio-économiques. Il l'associe à des formes d'assemblées locales et de quartiers, c'est-à-dire des formes de démocratie situées localement. Et il associe un niveau proprement politique qui est celui d'équipes municipales, de listes municipales et d'équipes municipales qui elles-mêmes prennent appui sur l'existence des communs socio-économiques et des communs de quartiers. Et on a là quelque chose qui finalement donne déjà une architecture intéressante, c'est-à-dire quelque chose qui fait que le politique n'est pas nié, l'affrontement avec des forces adverses n'est absolument pas nié, mais ce mouvement politique qui ne se réduit surtout pas à Podemos, il faut bien être clair, il s'agit de coalitions municipales. Ces coalitions municipales qui associent d'ailleurs des membres des coopératives et des membres des assemblées de quartier, ces équipes municipales, en réalité, donc, s'enracinent dans des formes démocratiques de base. Et, évidemment, le niveau supérieur, c'est la fédération des villes qui ont été organisées, qui s'ordonnent autour des communs. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, mais là on rêve un peu, mais si la dynamique espagnole se poursuit, que les villes en question, les grandes villes espagnoles, si elles continuent sur cette lancée-là, pourront se coordonner au niveau national et constituer des formes nationales, mais enracinées, donc toujours localement. Donc, si on imagine la dynamique, elle est là. Hein, elle est dans le fait que le politique n'est pas nié, mais il est toujours articulé au socio-économique et au commun territorial. Alors très rapidement, parce que j'ai oublié, j'ai failli oublier quelqu'un sur la croissance. Donc je pense qu'en effet, le principe du commun remet fondamentalement en cause la logique qui est celle de la croissance indéfinie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il y a un certain nombre d'économistes qui, eux, choisissent de se situer sur le terrain de la croissance en se disant, est-ce qu'il faut la limiter? Est-ce qu'on doit accepter de considérer que tel pourcentage de croissance est souhaitable ou pas? Et nous considérons que ce n'est pas du tout la question, parce que le problème, c'est la logique du capitalisme, c'est-à-dire la logique de l'illimitation. On en a un exemple particulier qui concerne le rapport des hommes à la nature, à travers ce qui s'est passé aux États-Unis 5 jours avant l'ouverture de la COP21. Vous avez eu une décision qui a été prise par le Congrès américain, c'est une loi qui a été votée, qui s'appelle Competitiveness Act, donc la loi de compétitivité. Et cette loi de compétitivité autorisait les entreprises américaines à s'approprier à volonté des minerais rares qu'on trouve sur les astéroïdes. Et c'était relativement subtil parce que les États-Unis ont signé en 1967 un traité qui s'appelle le traité de l'espace, qui défend et qui interdit formellement à tous les États de s'approprier de façon souveraine telle ou telle partie de ce qu'on appelle l'espace extra-atmosphérique. Et vous voyez comment l'interdiction se trouve tournée. Et vous voyez, d'une manière assez remarquable, c'est beaucoup plus que la collusion entre l'État américain et les entreprises privées américaines. Ils marchent complètement main dans la main. C'est une logique qui est une logique unique, exactement la même. Et on voit que c'est l'État qui, pour ne pas violer formellement son engagement, délègue aux entreprises privées ce qu'il ne peut pas s'autoriser à faire lui-même en son nom propre. Mais c'est très intéressant parce que ça met justement en présence du problème fondamental qui est celui de la croissance. Le gouvernement luxembourgeois, par exemple, depuis le mois de février, a constitué une structure financière destinée à encourager les entreprises, américaines notamment, à venir prospecter pour s'approprier les minerais rares sur les astéroïdes. Voilà. Donc vous avez des réponses qui sont différentes en fonction de la taille, des moyens dont dispose tel ou tel gouvernement, mais c'est la même logique de la croissance illimitée et par conséquent c'est la même logique de l'illimitation. Nous, ce que nous disons au contraire, c'est que le principe politique du commun est un principe d'auto-limitation. D'auto-limitation. Donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est compatible avec ce que vous avez dit sur la croissance, mais en tout cas ça me paraît remettre en cause la logique de la croissance. Voilà. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je ne suis absolument pas pour un gouvernement mondial. Alors je laisse ça peut-être à d'autres, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des avocats d'un gouvernement mondial. Voilà, Attali, je laisse de côté la solution de Jacques Attali. En revanche, ce qui est en question, oui, fondamentalement, c'est la logique qui est celle de l'État-nation. Parce que la logique de l'État-nation, c'est la logique de la souveraineté. Et la logique de la souveraineté, si on revient à ce que signifiait le terme, il s'agit de ce que les Romains eux-mêmes considéraient comme un pouvoir de type absolu. C'est l'imperium. C'est l'imperium. Et l'imperium, ça signifie que vous avez en effet des États ou des pouvoirs qui s'arrogent une autorité ou en tout cas une compétence telle qu'ils font valoir le caractère absolu de leurs prérogatives et de leurs demandes. Voilà. Et c'est ça qui produit précisément des situations d'affrontement ou de concurrence entre les États. Et la concurrence entre les États-nations ne fait pas du tout obstacle à la raison néolibérale. C'est au contraire une pièce essentielle qui permet de faire fonctionner le système. Donc il faut en effet se poser la question de savoir comment rompre avec la vieille logique de la souveraineté. La souveraineté populaire, c'est autre chose. Moi, je ne confonds pas la souveraineté populaire avec la souveraineté de l'État-nation. Et je pense que ceux qui entretiennent la confusion font quelque chose de très grave. Voilà, ça, je le dis de manière très nette. Donc, je ne serai pas pour un gouvernement mondial. Quelle horreur, en plus, un gouvernement, un unique gouvernement qui concentrerait entre ses mains les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Mais c'est l'horreur publique. Jamais ça nous a traversé l'esprit. Et si vous lisez la fin de commun, vous verrez que nous sommes pour un système de double fédération. Donc nous sommes au contraire pour multiplier les autogouvernements, les formes d'autogouvernement, et pour envisager des combinaisons entre des formes d'autogouvernement différentes. Ça, c'est plutôt ce qui est à notre agrément. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas, bon, si vous voulez, je vais parler le langage d'un certain Proudhon en 1840, nous ne sommes pas anarchistes au sens de l'absence d'arché, c'est-à-dire de l'absence de gouvernement. Pour une combinaison de plusieurs types de gouvernements à différents échelons, comme vous l'avez dit à propos des fédérations de communes ou des fédérations de communs. Et ça, en effet. Donc nous ne sommes pas étatistes et nous ne sommes pas pour l'abolition pure et simple de toute forme de gouvernement. Voilà. Donc c'est assez compliqué, mais c'est pas le moyen terme, hein. c'est pas une Merci à tous.